Première partie, chapitre 2 de La Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune, par Louise Michel. Première partie, L'agonie de l'Empire. Chapitre 2. La littérature à la fin de l'Empire. Manifestation de la paix. Venez, corbeaux, venez sans nombre, vous serez tous rassasiés. Louise Michel, chanson de 78. Les colères entassées, fermentant dans le silence depuis 20 ans, grondaient de toutes parts. La pensée se déchaînait. Les livres qui d'ordinaire n'entraient en France que secrètement commençaient à s'éditer à Paris. L'Empire, effrayé, mettait en masque. Il se faisait appeler libéral, mais personne n'y croyait. Et chaque fois qu'il évoquait 89, on pensait à 52. L'échéance de 69 de Rogeart résumait dès 66 le sentiment général. La déchéance de 69, disait-il, est une date fatidique. Il n'y a qu'une voie pour la chute de l'Empire en 69. On attend la liberté comme les millénaires attendaient le retour du Messie. On le sait comme un astronome, c'est la loi d'une éclipse. Il ne s'agit que de tirer sa montre et de regarder passer le phénomène en comptant les minutes qui séparent encore la France de la lumière. Les causes profondes, disait encore Rogeart dans ce livre, sont dans l'opposition constante et irrémédiable entre les tendances des gouvernements et celles de la société. La violation permanente de tous les intérêts des gouvernés, la contradiction entre le dire et le faire des gouvernants, l'ostentation des principes de 89 et l'application de ceux de 52, la nécessité pour les gouvernants de la guerre et surtout de la guerre de conquête, principe vital d'une monarchie militaire, et l'impopularité de la guerre de conquête, d'annexion, de pillage et d'invasion, dans un siècle travailleur, industriel, instruit et un peu plus raisonnable que ses aînés. La nécessité de la police politique et de la magistrature politique, dans un pays où le gouvernement est en lutte avec la nation, nécessité qui déshonore la magistrature et la police, console les malfaiteurs et décourage les honnêtes gens. Rogeart, échéance de 69, chez V. Parent, 10 Montagne de Sion, 1866. Rogeart ajoute dans le même ouvrage « Il y a une immense expansion du sentiment populaire, en même temps qu'une recrudescence de la répression impériale. Or, si la compression augmente d'un côté, pendant que l'expansion augmente de l'autre, il est clair que la machine va sauter. Je vois comme vous cette agonie, et je ne veux pas attendre. » L'opinion monte, c'est vrai, rapide, irrésistible, j'en conviens. Mais pourquoi dire au flot, tu n'iras pas plus vite? L'Empire se meurt, l'Empire est mort. C'est avec cela qu'on le fait durer. Il s'agit de l'achever, et non de l'écouter râler. Il ne faut pas lui tâter le pouls, mais lui sonner la dernière charge. Rogeart, même livre. Antonin Dubost, depuis garde des Sceaux, ministre de la Justice de la Troisième République, rapporteur de la loi scélérate, écrivait alors dans Les Suspects, ouvrage relatant les crimes de l'Empire. En écrivant leurs noms, il nous semblait voir leurs têtes tomber une à une sous la hache du bourreau. En nous livrant à cet acte de réparation, nous avons voulu venger la mémoire des morts. L'heure était venue, où sans motif, sans explication, sans jugement, ils allaient être jetés dans les geôles du pouvoir et transportés à Cayenne ou en Afrique. Antonin Dubost, 1868. Les financiers auxquels Napoléon III avait livré le Mexique espéraient d'une autre guerre de conquête de nouvelles proies à dévorer. La guerre donna le coup de grâce à l'Empire. Il y eut des entraînements d'hommes, comme on fait pour les meutes à l'époque des chasses, mais les fanfares des cuivres, les promesses de curés n'éveillaient pas les masses. L'Empire alors entonna la Marseillaise. Elles se mirent debout, inconscientes, elles chantaient, croyant qu'avec la Marseillaise, elles auraient la liberté. Des mouchards et des imbéciles hurlaient « À Berlin, à Berlin !»« À Berlin !» répétaient les naïfs, s'imaginant qu'ils iraient là en chantant le Rhin allemand. Mais cette fois, il ne tint pas dans notre verre. Et ce fut notre sang, où s'émarquèrent les pieds des chevaux. Les financiers rentraient en scène. L'un d'eux, Jecker, était le plus connu. Rochefort parle ainsi de lui dans les aventures de ma vie. On sait, ou on ne sait peut-être plus, que ce financier, véreux comme du reste et tous les financiers, avait prêté à un taux 300 ou 400 fois usuraire, tout au plus 1 500 000 francs au gouvernement du général Miramont, qui lui avait en échange reconnu 75 millions. Lorsque le président de la République mexicaine, Juarez, arriva au pouvoir, il refusa naturellement le paiement des billets à ordre dont les signatures avaient été aussi effrontément extorquées. Jecker, muni de ses 75 millions en papier, alla trouver Morny, auquel il promit 30% de commission s'il arrivait à persuader à l'empereur d'exiger des Juarez l'exécution du traité passé avec Miramont. En 1870, chargé de dépouiller les papiers trouvés aux Tuileries, laissés vides par la fuite de l'impératrice et de ses serviteurs, dont la plupart avaient juré de mourir pour elle, j'ai eu la preuve matérielle de cette complicité de Morny, qui, moyennant la promesse à lui faite par Jecker de lui remettre 22 millions sur les 75, nous engagea dans une guerre liberticide qui devait nous coûter plus d'un milliard et préparer Sedan. Ce Jecker, qui était suisse, avait du jour au lendemain obtenu des lettres de naturalisation française. Et c'est en son nom que la réclamation avait été présentée à l'intrépide Juarez. L'affaire a été du reste à peu près exactement recommencée sous couleur d'expédition tunisienne. H. Rochefort, Aventure de ma vie, premier volume. Un duel à l'américaine entre le journaliste Audi Sparrow et le financier Jecker fit quelque temps après la guerre du Mexique d'autant plus de bruit que Barrault, qui était considéré comme d'avance comme mort ayant reçu une balle en pleine poitrine, se trouva tout à coup mieux et enfin se rétablit tout à fait pour proclamer que les ennemis d'un empire avaient la vie dure. On vit depuis des entreprises financières plus monstrueuses encore que celles de ce temps. En face des entraînements pour la guerre, il y avait des manifestations pour la paix, composées d'étudiants, d'internationaux, des révolutionnaires. Les vers suivants, écrits une nuit après la sommade, en donnent l'idée. Manifestation de la paix. C'est le soir, on s'en va marchant en longue file, le long des boulevards, disant la paix, la paix. Dans l'ombre, on est guetté par le meute servile. Ô liberté, ton jour viendra-t-il jamais ? Et les pavés, frappés par les lourds coups de canne, résonnent sourdement, le bandit veut durer. Pour rafraîchir de sang son laurier qui s'effane, il lui faut des combats, dû la France sombrer. Maudit, de ton palais sens-tu passer ces hommes, c'est ta fin. Les vois-tu, dans un songe effrayant, s'en aller dans Paris, pareil à des fantômes. Entends-tu, dans Paris, dont tu boiras le sang? Et la marche, scandée avec son rythme étrange, à travers la sommade, ainsi qu'un grand troupeau passe. Et César brandit, centuple, sa phalange, et pour frapper la France, il fourbit son couteau. Puisqu'il faut des combats, puisque l'on veut la guerre, peuple, le front courbé, plus triste que la mort, c'est contre les tyrans qu'ensemble il faut la faire. Bonaparte et Guillaume auront le même sort. Louise Michel, 1870. Rochefort, ayant écrit dans la Marseillaise que la route jusqu'à Berlin ne serait pas une simple promenade militaire, les presses de ce journal furent brisées par ces agents vêtus en travailleurs que l'on appelait les blouses blanches et qui, avec eux, entraînaient des inconscients. Pourtant, le cri « la paix » couvrit parfois celui des bandes impériales « à Berlin, à Berlin ». Paris, de plus en plus, se détachait de Bonaparte. L'aigle avait du plomb dans l'aile. La Révolution appelait tous ceux qui étaient jeunes, ardents, intelligents. Oh, comme alors la République était belle! La lanterne de Rochefort, errant à travers le coupe-gorge, en éclairait les profondeurs. Sur tout cela passait dans l'air la voix des reins des châtiments. Sonne aujourd'hui le glas, bourdon de Notre-Dame. Sonne aujourd'hui le glas, et demain le tocsin. Malon a tracé des derniers temps de l'Empire un tableau d'une grande réalité. Alors, dit-il, la camisole de force dans laquelle étouffait l'humanité craquait de toutes parts. Un frisson inconnu agite les deux mondes. Le peuple indien se révolte contre les capitalistes anglais. L'Amérique est du Nord, combat et triomphe pour l'affranchissement des Noirs. L'Irlande et la Hongrie s'agitent. La Pologne est levée. L'opinion libérale en Russie impose un commencement d'affranchissement des paysans slaves, tandis que la jeune Russie, enthousiasmée par les accents des Tchernychensky, de Herzen, des Bakounine, se fait propagandiste de la révolution sociale. L'Allemagne, compte agiter Karl Marx, Lassalle, Becker, Bebel, Liebknecht, entre dans le mouvement socialiste. Les ouvriers anglais, conservant le souvenir d'Ernest Jones et d'Owen, sont en plein mouvement d'association. En Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, les ouvriers s'aperçoivent que leurs politiciens les trompent et cherchent les moyens d'améliorer leur sort. Les ouvriers français reviennent de la torpeur où les avaient plongés juin et décembre. De toutes parts, le mouvement s'accentue et les prolétaires s'unissent pour aider à la revendication de leurs aspirations vagues encore, mais ardentes. G.B. Malon, troisième défaite du prolétariat, page 2. Tous les hommes intelligents combattaient la guerre. Michelet écrivit à un journaliste de ses amis la lettre suivante pour être publiée. « Cher ami, personne ne veut de la guerre. On va la faire et faire croire à l'Europe que nous la voulons. Ceci est un coup de surprise et d'escamotage. Des millions de paysans ont voté hier à l'aveugle. Pourquoi ? Croyant éviter une secousse qui les effrayait. Est-ce qu'ils ont cru voter la guerre, la mort de leurs enfants ? Il est horrible qu'on abuse de ces votes irréfléchis. Mais le comble de la honte, la mort de la morale, serait que la France se laissa faire à ce point contre tous ses sentiments, contre tous ses intérêts. Faisons notre plébiscite, et celui-ci sérieux. Consultons à l'aise des classes les plus riches aux classes les plus pauvres, des urbains aux paysans. Consultons la nation. Prenons ceux qui, tout à l'heure, ont fait cette majorité oublieuse de ses promesses. À chacun d'eux, on a dit « oui, mais surtout point de guerre ». Ils ne s'en souviennent pas. La France s'en souvient. Elle signera avec nous une adresse de fraternité pour l'Europe, de respect pour l'indépendance espagnole. Plantons le drapeau de la paix. Guerre à ceux-là seuls qui pourraient vouloir la guerre en ce monde. Michelet, 10 juillet 1870. Le grand historien ne pouvait l'ignorer. Ceux qui possèdent la force n'ont pas coutume de se rendre au raisonnement. La force employée au service du droit contre Napoléon III et Bismarck pouvait seule arrêter leur complot contre tant de vies humaines jetées en pâture au corbeau. Le 15 juillet, la guerre était déclarée. Le maréchal Lebeuf annonçait le lendemain que rien ne manquait à l'armée, pas même un bouton de guêtre. Fin de la littérature à la fin de l'Empire.